chat à mon chèque comme intérimaire. Que des soldats dans mon périmètre. La moitié de vos blagues sont périmées. Votre vision du rap me fait délirer. Swim dans les vagues, on y tourne ami. Passe le salam jusqu'à Conakry. Baby t'inquiète, juste mon ami. Dis-lui c'est son dernier jour de vie. Tu seras rien comme vous péristel. T'as pas ta place dans la Jeep. T'amenais pas là du coup Jerry Break. J'ai même pas confiance à Darby. Bien sûr j'ai croqué les potes. Je veux pas être seul dans la Pontiac. J'ai changé le fusil d'épaule. Bouffé mes David et puis Goliath. On a déjà augmenté la mise. Tu penses qu'on bluffe à ton avis. Y'a pas que des gens bien dans la vie. On a déjà augmenté la mise. J'suis dans la Merco, Benz, Merco, Benz. T'as vu que j'ai dans le bolide, ma foi pour Uber. J'suis dans la Merco, Benz, Merco, Benz. La caisse est neuve, mamie, mais j'ai jamais peur de la vitesse. Dans ma Merco, Benz, Merco, Benz, Merco, Benz, Merco, Benz. Sans fermer, j'roule en bolide. Merco, Benz, la caisse est neuve, mamie, mais j'ai jamais peur de la vitesse. Dans ma je veux pète le milli monsieur Foucault. C'est mon dernier mot, vas-y paye. J'suis pas top, j'réponds pas hôtel. Champagne oblige avant l'hôtel. Le frère on prépare un bon X sa mère. Fornique le game depuis des années. J'm'arrête pas en dessous de vie salaire. L'addition est déjà bien trop salée. A cap sur le mandat, dans le monde dans l'agenda. Dites à designer de nous ramener la panda. J't'ai ma ta clique de mon canap. J'les baisse comme si j'baisais Clara. Yeah. On est pas différents, vélo, on est à bas. Donc de niquer, on est capable. Prends pas de photos si mon équipe est rabasse. Y'a que les chèques que j'ai ramasse. On a déjà augmenté la mise. Tu penses qu'on bluffe à ton avis. Y'a pas que des gens bien dans la vie. On a déjà augmenté la mise. J'suis dans la merco, Benz. Merco, Benz. T'as vu que j'suis dans le bolide. Va se boire Uber. J'suis dans la merco, Benz. Merco, Benz. La caisse est neuve, mamie, mais j'ai jamais peur de la vitesse.